mangye kap lase yo. Parete pre kay me menou. Mensye kap mangye kap lase yo. Parete pre kay me menou. Tout sa ou fe la pase la men. Charite wapa mane. Tout sa ou fe la pase la men. Charite wapa mane. Wap travay di pou paye loye. Ou depanse tous les jours. Wap travay di pou paye loye. Ou depanse tous les jours. Madame bien mauvais belle mais bien boudée. Madame bien mauvais belle mais bien boudée. Ça n'est pas bien tous les jours. Monsieur Cap Marie Cap Lasse, tout ça vous fait la passer la main. Tout ça vous fait la passer la main. Wap travail du vous payer loyer. Vous dépensez tous les jours. Wap travail du vous payer loyer. Vous dépensez tous les jours. Madame bien mauvais belle mais bien boudée. Madame bien mauvais belle mais bien boudée. Prends des papiers tous les jours. Marié sans pantalon. Pas marché sans pantalon. Marié, oh marié là. Pas marché sans pantalon. Aïe, m'a pas occupé, pas occupé belle même. Pas marché sans pantalon. Belle même sorti boule bam, you tête chargée. Pas marché sans pantalon. Mato, mato, mato, mato. Pas marché sans pantalon. Mato, mato, mato, mato. Subeye, macho a vini. La pregatiografie, mato, mato, mato, mato. Wa mache sans pantalon. Mato, mato, mato, mato. Wa mache sans pantalon. Pas occupé, belle-mère. Pas marcher sans pantalon. Aïe, pas occupé, belle-mère.